Disent que la correction de votre conscience, autrement dit l'élévation de votre conscience, va être basée sur votre capacité de traiter avec les oppositions de la vie avec un minimum d'émotion. Avec le temps, vous allez émotiver de moins en moins. Vous allez mentaliser de plus en plus. C'est comme ça que ça marche. Parce que quand vous émotivez les événements de la vie, vous mettez votre âme en vibration, c'est-à-dire votre mémoire, vos faiblesses, au lieu de mettre en vibration votre esprit, qui est votre force. OK? Disent que la conscience a dû être une lumière et non pas une réflexion. Tu comprends ça? Ils disent que la domination de l'homme y aura une fin à la domination de l'homme. Je l'ai perdu. Pas trop vite. Monsieur. Quelle est la part de la capacité de se rebeller pour conquérir sa liberté? Ça, c'est intéressant. La rébellion, c'est la force de l'homme de ne pas se faire dominer. Vous pouvez parler de rébellion intelligente dans la mesure que ça ne dure pas indéfiniment. Ensuite, vous allez vous épuiser l'esprit. Il y a une période dans la transformation d'homme où la rébellion est saine. Parce qu'il prend conscience de la manipulation. Puis après ça, ben, il n'est plus. La soumission à de l'autorité, quelle qu'elle soit, c'est toujours négatif. Pour qu'il y ait un équilibre entre la juste pensée et le mortel, la liberté commence là. même un jour quand vous irez ces plans, ou que vous changerez de plan, ou que vous aurez la liberté de voyager en dehors de l'espace-temps matériel, vous devrez toujours être maître de la condition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le cosmos. De la hiérarchie dominante. Il y a de la hiérarchie créative, c'est sûr. Il y a des êtres extrêmement intelligents, c'est sûr. Mais l'intelligence, c'est totalement universel. Il faut comprendre ça. Il faut réellement comprendre ça. Moi, j'ai rencontré des entités intelligentes, c'est plein. Jamais, je me laisse dominer. C'est une illusion astrale. Ça fait partie du pouvoir des entités spirituelles. Donc, de tolérer ou de subir une autorité, c'est toujours pas intelligent. C'est tout, c'est jamais intelligent. D'ailleurs, ça fait partie de l'évolution. C'est ça que vous dites, on n'a plus d'identité. C'est pour ça que la psychologie évolutionnaire est bien importante pour l'homme. C'est la seule psychologie qui existe sur la Terre qui va lui permettre de s'affranchir finalement de la mémoire de la race. Ça prendra le temps que ça prendra. Être libre, c'est être lumière. Je ne parle pas du verbite. Je parle d'être libre. Savoir. Pouvoir pénétrer les mystères, les comprendre, comprendre la vie, se comprendre soi-même, comprendre les hommes. Aucune barrière à la connaissance. Identité totale. Merveilleux dans la vie ou dans la mort. Question. Dans la Genèse du réel, vous parlez de la mort psychique. La mort psychique. Oui, je pense penser par là, mais c'est pas obligé de ce que ça veut dire en tant que la mort psychique. Merveilleux. Relisez-les, regardez-les. Il y a des thèmes que j'utilise dans le passé pour faire comprendre quelque chose. Il y a des thèmes que j'utiliserai peut-être plus maintenant. C'est un processus évolutif. Ce qu'on a à l'école, hein? Question. D'autres personnes. Du monde qui ne me pose jamais de questions. Bernard, j'en ai une. Oui. C'est comment parvenir à contrôler la conscience? Parvenir? Quand on ne contrôle pas la conscience, on dirait que tout nous échappe. Contrôler sa conscience. Lorsqu'une pénétration de lumière, à un moment donné, on comprend qu'après ça, tout tombe. C'est parce que c'est pas stabilisé encore. C'est pas intégré. Comment l'intégrer? Avec le temps. Tout avec le temps. Il n'y a rien de ces choses-là qui se font d'un jour à l'autre. Ils disent que vous avez encore l'insécurité. Avec le temps, ça disparaît, ça s'ajuste. L'insécurité par rapport au contrôle de la lumière. Ils disent insécurité par rapport à être ce que vous êtes réellement. Être là, ce que vous êtes réellement, c'est pas facile. Avec le temps. Question. Que je continue. Oui, madame. Par rapport aux enfants, quand ils sont dérangés par des... Je comprends rien. Par rapport aux enfants. Oui. Quand ils sont dérangés par des mémoires. Quand vous en avez parlé à la dame, là, on leur laisse de la vie. Parce que quand ils ont conscience qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme si ça n'existe pas? Ça veut dire les mémoires. Les enfants, il faut les distraire avec des belles choses. Il faut les distraire avec de la bonne musique. Il faut les distraire avec de la beauté. Il faut les distraire avec l'étude. Il faut les distraire avec des choses substantielles. Il y a trop d'enfants dans la vie qui perdent leur temps avec des conneries. Il faut leur créer des points d'intérêt fondamentaux. Qui colle à leur esprit. Ça, c'est votre job. Une fois qu'ils se sont identifiés à ça, ils vont aller dans cette direction-là. Moi, quand ma fille était petite, j'avais acheté un record de Mozart. Elle avait peut-être 4 ans à ce temps-là. Ça l'a lancé dans l'amour de la musique. Pour les traumatiser davantage. Quand vos enfants sont dans des écoles difficiles, parce qu'il y a des écoles qui sont très, très difficiles, regardez autour, essayez de trouver des écoles qui sont un petit peu plus humanistes. C'est important, l'école. Les enfants qui grandissent dans les cours d'école, là, ce qui se vend de la drogue, puis toutes sortes de choses, là. Faut les protéger. On dirait là qu'on se protège pas assez dans la vie. C'est une science de protéger. Se protéger, c'est mettre les émotions de côté, puis utiliser l'intelligence pure, malgré ce que pensent les autres. C'est un job être parent. Surtout aujourd'hui. Ils disent que la conscience de l'homme doit devenir irréversible. Irréversible, ça veut dire qu'à rendu à un certain point, tu ne peux plus retourner en arrière. Tant que tu peux retourner en arrière, irréversible, puis tu n'enclenches pas les mouvements d'énergie nécessaires pour intégrer ta conscience, puis grandir, puis pour que ça devienne irréversible. Sans ça, ton intelligence... elle ne devient jamais créative. Elle tourne toujours dans le beurre. Une fois que tu es réversible, là tu avances. C'est comme si tu deviens 4 par 4. Question. Oui, comment on peut faire le suivi de notre évolution sans se prendre au sérieux? Parce que ça apparaît très sérieux de commencer à réellement devenir conscient puis de continuer dans cette direction-là. Comment on peut avancer sans se prendre au sérieux? Parce qu'on devient mental, on devient froid. Se prendre au sérieux, c'est pas bon. Parce que ça dénote une dimension spirituelle de l'ego. Devenir conscient, c'est pas sérieux. C'est vraiment créatif. Si vous prenez trop au sérieux, bien, vous allez faire des gaffes. Vous allez vous overloader. Vous allez voir changer le monde. Puis vous changez vous-même. C'est pas le mort. C'est très personnel, la conscience. Très personnel. Très personnel. C'est pour ça que la conscience sur la Terre ne sera jamais collectif. On rentre dans des grands cercles d'individualité, d'ailleurs qu'on peut déjà percevoir au niveau inconscient. Les gens aujourd'hui ne veulent plus se faire bardasser comme avant. Ils ne veulent plus se faire imposer d'autorité comme avant. Ils sont encore dans l'inconscience. Mais on voit que le processus est en marche. On le voit dans la démocratie. On le voit dans le système parlementaire. On le voit dans l'élimination des dictatures. Tout ça. Un jour, vous regarderez en arrière et vous direz les Américains avaient raison d'éliminer Saddam Hussein. Qu'il y ait des armes atomiques ou non. Le point voilà. Les dictatures doivent être éliminées. Surtout des dictatures aussi sataniques que celle-là. Laissez les Français et les Allemands jouer leur politique. Regardez les valeurs fondamentales de l'Amérique, qui est le pays de la liberté. Mais ça prend de la vision intérieure pour aller loin. En son lit de Montréal le matin, puis on est fait. On se laisse polluer l'esprit. Question. Je continue. Oui. En tant que peuple, est-ce que les Américains savent ce qu'ils font actuellement? Ils sont conscients de ce qu'ils font? Réellement conscients? Ou ils sont manipulés? Il y a beaucoup d'intelligence en Amérique. Il y a beaucoup de doctorats, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de think tanks, il y a beaucoup... C'est un peuple extraordinaire, si on le regarde, là, au niveau de l'avancement de la pensée, l'avancement de la science, le regard sur la liberté. Un peuple, c'est un peuple, c'est pas un individu. Mais tout le génie individuel, là, le système de balance, puis de check, tu fais pas ce que tu veux aux États-Unis. Il y en a des associations, puis des groupes, puis des si qui check tout. On parle de la Révolution française 1789. La Révolution française, avant qu'elle devienne, qu'elle passe à la République, ça a pris 100 ans. Il y a eu le Concordat, puis ensuite, il y a eu 3 efforts de rétablir la monarchie. 5 dans le 18e, au 19e siècle que ça s'est fait. Tandis qu'en Amérique, la Révolution a été établie en 1782. L'école pour tout le monde, ça a été établi en 1840. En France, ça a été établi en 1904. Fait que, faut pas qu'ils nous fassent chier trop, les Français. Je suis pas sûr que ça ait répondu à la question. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font actuellement à travers le monde? Les Américains sont conscients de certaines valeurs fondamentales qui sont inscrites dans leur constitution. Puis, sont prêts à faire des grosses batailles pour conserver leur constitution. C'est pour ça qu'il y a tant de liberté, c'est pour ça qu'il y a tant de chaos. Everything goes. Mais c'est ceux qui sont si riches. Quand les gens s'en allaient vers l'ouest aux États-Unis, là, puis que, comment est-ce qu'ils appellent ça? Qui plantaient le piquet, si tu veux, sur du terrain, là. Le Congrès américain n'a pas fait d'interférence. Et on dit, OK, ça c'est ton terrain, là. On va donner un papier. Puis ça le légalise instantanément. C'est pour ça qu'ils sont si riches aujourd'hui. Parce que ça leur a déjà donné droit à un certain crédit foncier. Ils pouvaient prendre la terre et la revendre. Tandis qu'en Amérique du Sud, ils ont des gros problèmes à ce niveau-là. Parce que le monde, ils ont des maisons bâties un peu partout. Ils peuvent pas égaliser les titres. Ils peuvent pas aller à la banque pour emprunter. Toi, t'as une maison, tu vas à la banque. T'as une maison à 150 000 piastres. Ils vont te prêter 50-75 000 piastres. Tu peux t'ouvrir le commerce. Au Caire, apparemment, en Égypte, il y a pour 239 milliards de dollars de gelés. Parce que les gens, ils ont des maisons, mais ils n'ont pas de titre. Fait que les Américains sont... Ils ont pris des bonnes décisions. Puis quand il y a des corruptions, comme là, la bulle, puis tout, là, je te dis que quand tu commences à rentrer là-dedans, ils nettoient. Tandis qu'en France, ils mettent ça en dessous du tapis. Moi, j'aime bien les croissants français puis le café au lait. Mais, je suis pas fou de la France. T'es orgueilleux, ça, ce petit monde-là. Mais ils sont intelligents, ils lisent beaucoup, font des bonnes analyses. Mais une analyse, ça demeure une analyse. T'es orgueilleux. Je ne peux pas trop voler de la France parce que mes cassettes vont en France. Il y a deux Français qui sont venus à mon séminaire, là, ils vont me lancer des roches. Ils disent que la conscience est définitivement reliée à un refus intégral de se laisser dominer. Si vous n'êtes pas capable de ne pas vous laisser dominer, vous rentrerez jamais dans votre conscience. La domination, c'est totalement luciférien. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie du processus d'incarnation. Ça fait partie de l'expérience de l'ego, développement de l'ego, développement de la personnalité. Il faut que l'âme soigne la personnalité à sa personne pour avoir l'identité. C'est une grosse, grosse révolution au niveau des plans. Puis quand tu le vis au niveau de ta vie personnelle, c'est une grosse révolution. T'es plus le même homme. T'es bien. L'homme de la terre cherche, puis cherche, puis cherche, puis cherche. On se cherche. Cherche quoi? Il n'y a rien à trouver. Je regarde du monde intelligent comme vous autres, vous deux, là. Prenez-les. Faites votre travail, faites-le bien, faites de la recherche, utilisez votre intellect pour une part, puis utilisez votre intelligence pour l'autre. Il y a une différence entre l'intellect et l'intelligence. Regardez bien ça. L'intellect, c'est la meilleure partie de l'ego. L'intelligence, sa meilleure connexion de l'ego. Je sens comment est-ce qu'il place ça. Parler avec les autres, c'est pas comme parler avec nous autres. C'est pour ça d'ailleurs que c'est si révélateur. Ça nous donne des ailes. L'intelligence ne fait jamais interférence avec l'intellect. Elle va se marier avec. Elle va rendre l'intellect très, très vibrant. Jamais. Il y a quand même une relation avec. Ah, ben oui. C'est encore la lumière. Ah, ben oui. C'est sûr. Moi, j'étais allé au Texas une fois, puis. Il y avait un nouveau mouvement architectural aux États-Unis. Je me rappelle, j'étais monté dans l'élévateur. Tu sais, l'élévateur qui monte sur le side du building, là, sur le côté du building. Là. Puis, fait que je montais dans l'élévateur. Puis c'était tellement beau ce que l'architecte avait fait, je pleurais. Je disais, c'est extraordinaire ce que les hommes peuvent faire. Regarde l'industrie de l'automobile, les computers. Fait que... s'agit pas de rejeter l'intellect. Il s'agit de savoir que ça va pas interférence avec notre intelligence. Pas trop d'analyse inutile. Accepter pour arriver à des conclusions intelligentes. Et non pas des conclusions qui remettent tout en question encore, puis ça finit plus, puis ça finit plus. Le monde qui se cherche pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est trop long, c'est de la perte de temps, ça. Prenez-vous comme vous êtes. Il dit, vous êtes parfait, mais vous ne le savez pas, donc vous vous rendez imparfait. Trop la vie. Vous essayez trop à comprendre. Apprenez à vivre. Il y a une femme que je connais, cherche une maison en or. Elle est toute énervée, là. Son mari, c'est un avocat. Ils ont le cash, ils s'achètent une maison n'importe quand. Tout le monde veut vendre. Puis elle est toute énervée. Elle n'est pas capable de travailler avec tout le temps. Ça me l'angoisse. Travailler avec tout le temps. N'arrivez-vous pas. Un jour, vous allez avoir la maison, ça va tiquer, puis signe de contrat. C'est un art de travailler avec le temps. Tout arrive dans le temps. Pas trop de questions, vous. Le temps peut être là, puis toi-même te retarder. C'est le timing qui peut être là, mais toi, tu peux te retarder. Tu peux te faire. Posez-moi là d'une autre façon. Prochaine fois. Ils vont me répondre même que c'est une vibration injuste. Pas vous induire en erreur. Le petit monsieur, là, qui a la main, là, il n'a pas une question. Vous, là. Moi? Oui. Tantôt, j'étais tenté d'en poser une, mais je pense que la réponse, elle vient avec. Tenter de vous demander comment on fait pour arrêter d'avoir des réflexions. Est-ce que la méditation, c'est bon pour ça? La méditation, c'est utile, mais c'est pas la fin du chemin. Mais c'est bon, tout ce qui peut vous reposer l'esprit, c'est bon. La seule chose qu'il faut faire attention quand vous méditez, et ainsi de suite, parce que vous avez tous des écrans mentaux, vous autres, là. Vous êtes capable de voir en astral si vous assurez que vous n'êtes pas téléguidé par un esprit. les gens qui me parlent de laboratoire mental. Puis tout ça, là. Faites attention à ça. Méditation, ça doit être simplement la recherche du vide, mais pas le contact avec une entité spirituelle. Parce que les autres vont vous jouer des gains. Puis dans votre cas, là, il dit qu'il faut que vous fassiez attention à votre nature douce. Vous avez une douce nature, donc vous avez déjà une nature qui conduit à une certaine facilité spirituelle. Bonhomme. Vous êtes bonhomme. Ah, oui. C'est là la conscientisation. Fait que t'as pas osé dans le champ. C'est non. Tu te compresses naturellement. Direct dans la chambre, c'est le temps, c'est long. Dans votre cas, là, une chose qu'il faut regarder, sa capacité de vivre avec une certaine joie. Qu'il y a une tristesse qui rentre, là. C'est la manipulation. Toujours vivre avec un certain plaisir. C'est bien important, le plaisir, dans la vie. Moi, j'ai assez hâte de manger des mets italiens. C'est important de plaisir. Ça équilibre les chakras. Oui. Est-ce qu'on peut distinguer dans nos états de conscientisation, puis comment le reconnaître de la bouche qu'on consomme? On peut distinguer, on peut que c'est long, mais on peut éviter des longueurs. Ça dépend toujours de votre capacité de vous sortir de votre propre merde. De votre propre stagnation. Capacité de prendre des décisions. C'est important de pouvoir prendre des décisions. Les émotions qui vous empêchent de prendre des décisions et d'avancer. Question. Il y a deux réponses à ça. D'abord, s'accepter comme il est. S'accepter comme il est. Pas facile, ça. Puis ensuite, s'aimer comme il est. Ça veut dire quoi, s'aimer comme il est? Être bien de même. ça fait partie d'un état de conscience qui fait partie de l'identité. Pas s'aimer dans le sens émotionnel, dans le sens d'être bien dans sa peau comme ça. Faut que vous en arriviez à être bien dans votre peau. Puis à reconnaître ce que ça fait pour être bien dans votre peau. C'est quoi la différence entre un Français qui aime analyser les choses puis un être réel qui s'apprécie? Ouais, un Français qui aime analyser les choses, c'est un ego qui aime jouer de son esprit. L'avantage des Français, c'est qu'ils ont une belle langue. Nous autres, on n'a pas de langue. Le joual, c'est pas une langue. Tandis que le Français, il a une belle langue, il a du vocabulaire. Fait qu'il est capable d'utiliser la forme pour transporter son esprit. Puis ressentir par réflexion qu'il y a de l'esprit, qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a de la mémoire. Mais ça lui donne pas de la conscience. Ça lui donne la jouissance de sa mémoire. Les Français ont une grande jouissance de la mémoire. Tu vas en France, tu dis je peux avoir un téléphone. Ils ont dit quoi? Au téléphone! Tu leur demandes du beurre. Oh, du beurre! Ils te leur mettent une nez de suite. On est réellement des petits cousins. Dans le fond, on est des fèves aux larves. Surtout à Paris. Là. Donc, à partir de ces deux points-là, on est capable de découvrir tous les aspects du marché dans la vie. Oui, parce qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus de polarité. On élimine la polarité. C'est la polarité qui nous assemble, nous autres. C'est très grave, la polarité. Je me rappelle, moi, en 69. Quand j'ai vécu la fusion, ils ont travaillé sur la polarité avec moi pendant des semaines, puis des semaines. J'ai souffert le martyr. Le martyr. Parce que la polarité, ça va jusque dans les racines de l'âme. Ça remet en question tout ce que tu as pu consciemment puis inconsciemment absorber dans ta vie. Abominable. Parce que quand tu es initié, tu es toujours testé au niveau du bien et du mal. Tu as beau être en contact avec des forces cosmiques, mais c'est quoi ça? Tu connais pas ça? Sont-tu bonnes? Sont-tu pas bonnes? Très difficile. Aujourd'hui, je suis affranchi de ça. Donc, je peux vous retransmettre le message. C'est probablement la grande valeur de mon travail. Sur le plan matériel, d'éliminer pour vous autres la polarité. Je vous la faire voir. Parce que c'est avec la polarité qui compose la pensée réfléchie. Tandis que quand ils sont en quand ils sont en communication télépathique, il n'y a pas de polarité. Lorsqu'on ferme comme oui. Le pas avoir d'émotions comme ça, des émotions dans notre vie, de pas être comme un froid d'art ou une espérance. Vous pouvez pas vous libérer du surplus émotionnel comme ça, ça vient avec le temps. Rendu à un certain temps, là, t'es plus influençable par ce que le monde pense. Pas avoir d'émotion, ça veut pas dire pas avoir d'émotion. Ça veut dire avoir une énergie émotionnelle qui est balancée avec l'intelligence. Moi, quand je vois quelque chose de beau, je peux pleurer. Quand je parle en public, je peux pleurer. Mais ça balance avec le mental. Donc, la conscience est une science intérieure. Je vais aller à l'île un petit peu, là. La conscience est une science intérieure qui va permettre à l'homme de se construire un lien avec l'invisible. Ce lien-là, avec le temps, va lui permettre d'avoir une vie très agréable. Parce que ça va le libérer de son astral, donc de ses craintes. Et ça va lui permettre aussi de voir que la vie est beaucoup plus vivante et vivable qu'elle apparaît lorsqu'elle est vécue simplement avec des instruments simples de sa conscience réfléchie. Tu peux pas vivre toute une vie avec la réflexion, puis être bien dans ta peau. Mais tu peux vivre une vie avec un minimum de réflexion, puis être très bien dans ta peau. Faut comprendre que la réflexion, c'est toujours de la manipulation. C'est toujours de la manipulation. La vie, c'est fluide. La réflexion, c'est saccadé, c'est cassant, c'est... À moins qu'elle soit utilisée par l'intellect pour une forme de construction matérielle, créative, dans le monde. Faut comprendre la différence entre les deux. Souvent, dans un processus créatif, le contact la télépathie se retire pour permettre à l'homme de vivre sa conscience créative dans une sorte de silence. Fait que c'est là que tu vois que tu es créatif, que tu fonctionnes, mais tu sais derrière ta tête qu'ils sont toujours là. T'as pas besoin de les avoir dans ta soupe. Moi, j'ai besoin des autres, là, parce que j'étais en grande faiblesse physique. Et quand j'ai pas de douleur, j'ai pas besoin des autres. Ils sont toujours là. Si vous êtes canal, ils sont là. Sans ça, on serait bien trop fatigué. Ça prendrait trop de notre énergie mentale, de toujours être en communication. Question. Quand vous parlez d'énergie mentale, est-ce que c'est de l'esprit? Oui. Non. Non. C'est toujours un focus. C'est comme s'ils prennent tout l'espace. J'ai oublié que j'ai l'eau à l'écouter. J'ai oublié que j'ai l'eau à l'écouter. L'esprit, c'est pas la forme du corps mental. L'esprit, c'est de la lumière pure. Le corps mental, c'est un corps de lumière qui permet de recevoir l'esprit. L'esprit a besoin d'une plateforme. Il a besoin d'un plan d'expression. C'est le corps mental. Plus le corps mental est développé, plus l'esprit manifeste. Donc le corps mental, c'est le véhicule de l'esprit. C'est le véhicule de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que l'ego, c'est la partie du corps mental qui n'est pas éveillée. C'est brut. Il y a des ombres. D'où la réflexion. On peut leur poser d'une façon différente. Est-ce qu'on peut dire que l'ego, c'est la caractéristique du corps mental? L'ego, c'est un plan de manifestation du corps mental, mais un plan très inférieur. Où la lumière passe pas toute, est filtrée par la réflexion, diminuée par la réflexion, même arrêtée par la réflexion. Dans l'ego se situent toutes les craintes de l'âme. Je ne comprends pas la question, elle est mal posée. Est-ce que le corps mental origine de l'ego? Est-ce que l'ego se transforme pour devenir le corps mental? L'ego se transforme pour devenir le corps mental. Donc un ego transparent, c'est un mental éveillé, c'est ça? Très juste. Moi j'en ai un ego. Transformé, transparent. Il statut d'interférence avec l'esprit. C'est pour ça que je peux plus accoter forever, même dans le cancer. C'est de la douleur, moi, qui m'empêche d'être bien, là. Si j'avais pas de douleur, là, je pourrais pas jusqu'à 4 heures du matin. Puis éveiller toutes sortes de choses, scruter avec vous autres. Parce qu'il y a pas vous autres qui étudient, là. Moi aussi, j'étudie quand je parle. Puis c'est pour ça que j'aime ça que vous me posez des questions. Pas parce que je suis paresseux, mais parce que je peux voir la structure de la conscience à partir d'un autre point de vue que je ne regarderai pas si j'étais tout seul. Parce que j'ai aucune curiosité. C'est pour ça que votre présence est bien importante. Est-ce qu'un ego seul peut se développer? Ou bien il est obligé d'être en interrelation avec plusieurs types de personnes? Tu ne peux pas être intelligent tout seul. Donc tu dois absolument composer avec l'extérieur. Oui, parce que quand tu composes avec l'extérieur ou avec d'autres égos, ça permet de raccourcir le chemin de tes inaptitudes, de tes conneries. Même si ça crée des chocs vers l'extérieur. Ça n'a pas d'importance. Tu peux pas être intelligent de ça. Moi, j'ai un contact. Je ne suis pas intelligent de ça. Si vous dites, alors, on va être bien intelligent. Pas vrai. Je suis intelligent parce que j'ai un contact. C'est une coupe, je deviens totalement sans dessin. Ça, c'est à cause des lois d'incarnation? Non, c'est à cause des lois de la lumière. La lumière a besoin de... La lumière a toujours besoin d'un point d'appui inférieur à elle-même pour pouvoir exploser. Parce qu'elle commence bien, bien haut. Mental, astral, éthérique, vital. Ça va sur des plans les plus bas. Puis c'est ça la beauté de la création. Puis on n'a rien vu encore, nous autres, là. On est réellement des petits gars. Moi, là, quand je regarde trop loin des mystères, là, ils disent pas tes affaires. On relaxe, on a des jobs. C'est pour ça que la curiosité, ce n'est pas sain pour l'esprit. C'est le temps pour l'intellect. Mais c'est pas sain pour l'esprit. C'est trop vaste l'esprit. C'est vaste l'esprit. Donc, les mystères vont être découverts au fur et à mesure. C'est ça. Tu commences à parler du froid cosmique, puis des espaces cosmiques, puis des origines de la vie, puis des origines des entités universelles, puis tout ça. Tu peux faire ça toute ta vie. Tu as la curiosité là-dedans, t'es fait. Tu finis à Saint-Jean de Dieu. La curiosité, c'est un phénomène intellectuel.